Chapitre 174. L'invocation lorsque l'on fait une halte. 982. Khawla bint Hakim, radiallahu anha, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: quiconque fait une halte à un endroit et dit: je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ses créatures, a'oudhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq, sera protégé de tout mal jusqu'à son départ. Muslim. 943. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se trouvait en voyage, il disait à la tombée de la nuit: ô terre, mon Seigneur est le tien et Allah. Je cherche protection auprès d'Allah contre le mal que tu contiens, celui des créatures qui vivent en toi et celles qui rampent à ta surface. Je cherche protection auprès d'Allah contre les lions, les serpents et les scorpions, contre les djinns de cette contrée, ainsi que Satan et sa progéniture. Ya Ard, Rabbi wa Rabbuki Allah, a'oudhu billahi min sharriki wa sharri ma fik, wa sharri ma khuliqa fik, wa sharri ma yadibbu alayk, a'oudhu billahi min sharri asadin wa aswad, wa min al-hayyati wal aqrab, wa min sakin il-balad, wa min walidin wa ma walad. Abu Dawud.